Ok, ils parlent peut-être pas la langue parfaitement, ils parlent pas autant que nous, ils savent peut-être pas autant de choses sur la France que nous. Mais n'empêche qu'ils payent leurs impôts, ils payent les loyers, ils payent l'essence ici. L'argent qu'ils gagnent, ils ne vont pas l'investir au pays, ils ne peuvent pas. Ils l'investissent ici. Qu'est-ce que tu parles d'intégration ? Forcément, on est forcément intégrés. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur. Et y'a qu'une seule radio qui me fait kiffer comme ça. La station tu la connais, c'est 106.3. Y'a une seule radio qui me fait kiffer comme ça. La station tu la connais, c'est 106.3, j'ai dit 106.3, eh oui, c'est 106.3, j'ai dit 106.3. Le programme que vous allez écouter est une rediffusion. Et du coup, vous travaillez à Gilbert Joseph. Aujourd'hui, il y avait un rassemblement à 12h devant le magasin, boulevard Saint-Michel à Paris. Et là, on a fait le trajet jusqu'à la place de la République. Aujourd'hui, vous êtes en grève. Et pourquoi vous êtes là? Comment ça s'est passé au niveau de votre entreprise, quoi? Alors au niveau de l'entreprise, c'est surtout la CGT qui a mené le truc. Alors moi, je suis pas syndiqué, mais de manière générale, je suis assez tout ce qui se passe. C'est comment ton nom, en fait? Sébastien. Sébastien. Et du coup, comme j'étais étudiant, j'étais à une AG ce matin aussi avec les étudiants, essayer de voir si c'est possible d'organiser une convergence des luttes. Pour moi, c'est pas juste pour défendre le code du travail. Moi, je défends pas le code du travail. Pour moi, le rapport salarial, c'est quelque chose qui structure notre société de base. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de renforcer le poids de cette structure-là dans la société dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on est en train de renforcer le rapport de domination qu'il y a du patron au salarié, quoi. Ok. Comment ça va se passer pour vous un peu si cette loi passe? Même il y a eu la loi Macron un peu qui vous a impacté. Est-ce que ça vous a touché aussi? Alors, faudrait peut-être demander à ma collègue qui était là au moment de la loi Macron. Moi, j'avoue que je viens de commencer du coup dans l'entreprise. Vas-y, dis un mot si tu veux. Pourquoi la loi Macron? Pas pourquoi la loi. Ou la loi Macron, ou même pourquoi toi t'es là et tout. Comment ton nom en fait? Anna. Je ne suis pas syndiquée, mais... je suis en dialogue régulier avec les gens de la CGT de mon travail. Ouais. Ce dont ils parlent me touche et je suis en accord avec eux sur le fait qu'effectivement, comme disait mon collègue, les patrons auront encore plus de pouvoir et que les salariés qui en ont déjà peu, qui sont déjà menacés par la crise de l'emploi et qui ont des salaires très bas par rapport aux efforts fournis et par rapport aux très hauts salaires qu'ont certains PDG. Voilà, vous touchez combien? Par exemple, c'est quoi votre travail? Vous touchez combien aussi? Je touche le SMIC. Et tu fais quoi? Je suis vendeuse libraire à Gilbert Joseph. Ok. Voilà, 1150 euros par mois à peu près. Pour combien d'heures de travail et tout? 38 heures. 38 heures. On ouais. cumule. Y a, dans les 3 heures en plus, je crois qu'il y en a 2 heures payées, 1 heure en RTT ou alors c'est l'inverse. Ok. Bon, voilà, ça fait pas beaucoup. Actuellement, je paye pas de loyer, mais ça va pas rester comme ça longtemps. Si je payais un loyer, ça serait vraiment difficile. Je ferais aucune économie. Voilà. Et je sais que je suis pas la plus à plaindre. Je me bats pas seulement pour moi, mais pour l'ensemble des gens. J'avoue. Voilà. Et là, vous êtes nombreux même aujourd'hui au rassemblement. Vous étiez quoi, une cinquantaine et tout? Ah, de notre boîte? Ouais. Il y a la moitié de la boîte qui est partie ou? La plupart des caissiers font grève. Les vendeurs sont quand même minoritaires, mais on est plus nombreux que les dernières fois. Okay. Les vendeurs sont là quand même. Je pense qu'il y a au moins une ou deux personnes de chaque rayon. Okay. Ouais, on s'est mobilisés. Okay. Voilà, quant à la loi Macron, pour l'instant on n'est pas touché parce qu'on ne fait pas partie du secteur qui doit bosser le dimanche. Mais il était question que ça s'élargisse et on est contre. C'est-à-dire qu'ils ont créé une zone touristique internationale, c'est comme ça qu'ils disent, juste à côté de chez vous, qui s'arrête au boulevard juste à côté. Donc il va toucher la Fontaine Saint-Michel, Gibert, les autres magasins Gibert jeunes, c'est ça. Ouais. Et par contre ça s'arrête juste à côté de chez vous, mais c'est possible qu'ils l'agrandissent. Et donc ça permettrait d'ouvrir, c'est quoi, 10, 12 dimanches par an? Je sais pas exactement le nombre de dimanches par an. Plus de dimanches, quoi. Mais ouais. Oui, déjà, bon, je trouve qu'il faut se battre aussi pour ceux qui sont déjà touchés. Ensuite, ouais. Effectivement, ça peut s'élargir si on fait rien, c'est sûr que ce sera le cas. Et pourquoi ne pas travailler le dimanche? Parce que c'est un jour où les familles se réunissent, où les gens peuvent se voir, les familles, les amis, etc. Et ça me semble normal que si des gens décident de quand même travailler le dimanche, ils soient payés plus parce que c'est un sacrifice. Vous voulez rajouter un truc en plus sur le sujet de votre choix un peu? Ouais, à mon avis c'est très important qu'on lâche pas l'effort. Moi, j'ai très peur que comme toutes les autres manifestations, etc., ce soit que quelque chose d'épiphénoménal, finalement, donc quelque chose qui arrive une fois, et puis le lendemain, on oublie parce qu'il faut qu'on retourne au boulot, parce qu'il faut qu'on paye notre loyer, il faut qu'on touche un salaire, quoi. Du coup, moi, ça me fait un peu peur, donc j'espère que ça sera suivi. Il y a les étudiants des facs qui proposent de continuer le mouvement le 17 mars, parce que bon, il y a une grande journée de mobilisation le 31, mais ce sera quelques jours avant que ça passe à l'Assemblée, donc ça risque d'être trop tard. À mon avis, il faut pas relâcher d'ici là, il faut être actif pendant tout le mois de mars. Okay. Et pas juste contre la loi travail, contre le gouvernement et contre absolument tout ce qu'il fait, qui est absolument dégueulasse d'un bout à l'autre. J'avoue, derrière, il y a les affiches là, manifestations contre l'état d'urgence aussi. C'est samedi aussi, je crois. Ouais, samedi 12 mars. Ouais. Ouais. Moi, je voulais rajouter, si ce n'est pas déjà fait, allez voir Merci Patron, c'est vraiment un film à voir. C'est quoi ce film ? C'est un film fait, je crois que c'est fait par lui, oui, par François Ruffin et une ou deux collègues à lui du journal Fakir. Pour résumer, il rencontre des gens qui ont été licenciés dans les usines de textile du nord de la France, dont... Bernard Arnault a été le patron, l'actionnaire PDG pendant un temps. Voilà, et du coup, en fait, il aide une famille qui est sur le point de perdre leur maison et qui n'ont plus de quoi manger à récupérer de l'argent. Et ils mettent des caméras cachées. Et il y a un proche de Bernard Arnault qui vient et en fait, il est totalement démasqué. Enfin, on voit à quel point c'est vraiment. C'est des mafieux, enfin, c'est simple, ils mettent tout l'argent dans leur poche et on voit aussi qu'ils ont peur en fait des médias comme Fakir et qu'il le dit lui-même clairement, qu'est-ce qui nous fait peur ? Fakir. C'est les minorités agissantes qui font tout, oui, c'est ce qu'il dit. Ça. Et il arrive à qualifier Fakir, voilà, c'est ça, donc un groupe, un journal qui a 6000 abonnés, il arrive à qualifier de groupe Fakir, quoi, il a vraiment peur, quoi. Au fond, près du radiateur. Toi, tu travailles à Gibert aussi ? Ouais, je travaille à Gibert aussi. Okay. Bah, je suis là. Oui, aujourd'hui, j'ai... comment dire ça ? Aujourd'hui, j'ai deux casquettes, on va dire. Non, parce que voilà, j'écris des bouquins aussi à côté. Je suis romancier. Voilà, donc déjà, on touche 8% sur un bouquin qui se vend à 8 euros. Et là, ils veulent encore plus rogner sur le peu qu'on touche. Bon, moi, j'ai l'habitude, mais c'est vrai que ça fait chier au moment. Non, mais pour le reste, c'est juste que, je sais pas, ça commence vraiment à devenir insupportable, sauf qu'on s'interroge de plus en plus sur les limites d'une mobilisation, d'une manif. Moi, je suis venu aujourd'hui manifester parce que on peut faire que ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de revenir aux activistes des années 70, 80 et de torturer tel homme politique et tout ça. On ne va pas faire ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais juste manifester, ça ne me suffit plus, je ne sais pas quoi faire. Donc, déjà, tu manifestes et tu fais la grève. Oui, je fais la grève. Ce qu'il faudrait, à mon sens, ce serait que pendant tout un mois, tous les jours, on soit tous dans la rue, mais dans tous les secteurs, que ce soit les gens qui bossent à l'école, les commerçants, à l'école, que ce soit les commerçants, un petit peu tout le monde, les chômeurs, ce serait bien aussi qu'il y ait des chômeurs. C'est juste ça, mais le problème aussi, c'est qu'on est tous tenus par l'argent. Moi, je suis un peu résigné, en fait, le problème, c'est que vous êtes sur une mauvaise personne. Parce que, non, t'inquiète. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tout le monde ne peut pas se permettre de manifester tous les jours, parce qu'on perdrait trop d'argent. Toi, par exemple, vous avez, y en a, ils ont des crédits, des trucs comme ça. Ils ont des crédits, ils ont des gamins. Moi, je viens d'avoir une gamine. Je pourrais pas me permettre de manifester plus d'une semaine. Donc le problème, c'est ça. Donc au bout d'un moment, je sais pas. Non, il faudrait que les routiers reviennent aussi, parce que quand ils manifestent, ça fout bien la merde. En 95, notamment. 95, ouais, bien sûr. Ils avaient bloqué les routes. Oui, à l'époque de la loi Juppé, tout ça. Donc non, je sais pas. Je suis venu, je m'interroge en fait sur ce qui va se passer. Je suis curieux de voir s'il va y avoir du monde. Mais de toute façon, ils ont dit au gouvernement que s'il le faut, ils feront passer la loi en force. Donc... Le CPE, il l'avait fait passer en force, on l'a fait retirer aussi. Non, mais moi, honnêtement, voilà, je suis venu aujourd'hui parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion justement d'être présent à une manif avec mes collègues. Ouais. Maintenant, pourquoi tu pouvais pas trop avant ? Non, c'est que les deux précédentes manifs, je devais aller à l'échographie pour ma gamine. Félicitations. Merci, mais c'est tout. Mais voilà. Ça s'appelle comment ? Charline. Okay. Voilà. Mais voilà. Et c'est peut-être plus pour elle que je suis là aujourd'hui, parce que je me dis que si, là maintenant, ils proposent déjà de faire bosser les apprentis 10 heures par jour, avec les autres contraintes qu'on a pu lire justement dans le projet de loi, je me demande ce qu'ils vont faire passer dans 5, 10 ans et 15 ans. Quoi. Donc c'est juste ça, et c'est vrai que j'ai pas forcément envie que ma gamine grandisse dans un monde où on va lui parler que de profit, de concurrence, de travailler beaucoup, tout ça, voilà. Moi, justement, voilà, j'ai fait le choix de travailler à temps partiel, de réduire mon temps de travail, donc d'avoir moins d'argent, mais d'avoir plus de temps pour moi, pour profiter de ma gamine, et voilà, pour avoir le temps d'écrire mes bouquins. Ça m'apparaît plus important dans la vie de s'émanciper que d'amasser plus d'argent et de ne pas avoir le temps de voir les gens qu'on aime, quoi. Donc c'est tout, sauf que la marche du monde, depuis l'ouverture au libéralisme début 80, c'est ça, quoi. C'est l'argent à tout prix. Voilà, donc c'est pour ça que je suis un peu résigné, mais je suis pas totalement, sinon je serais pas là. Donc voilà. Merci. Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela zique tous les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Écoutez l'émission Au fond près du radiateur. Bonjour, donc toi tu travailles à Gilbert Joseph aussi. Et donc c'est Rémi, tu es délégué du personnel ou Je suis délégué du personnel, ouais. Je suis élu au CE et je suis le secrétaire de la section CGT. Donc tu animes pas mal la section CGT, Gilbert Joseph et tout. Et ça fait plaisir d'être avec vous parce que nous, ce qui nous intéresse, c'était de rencontrer les sections qui poussaient un peu le mouvement. Parce qu'on a vu que le mouvement venait pas vraiment des directions l'action syndicale, ça a été un peu à la traîne. Et du coup, voilà, ça fait plaisir d'être avec toi. Je te laisse la parole un peu sur pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu as à dire sur le mouvement un peu. Non, bah écoute, bah, la première chose, c'est que si ça prend bien, tu as vu, on est plus d'une trentaine, je pense, et on en attend encore quelques autres. C'est dans les suites de la mobilisation sur la loi Macron. C'est là où, où finalement, pour la première fois, indépendamment de quelques rendez-vous qu'il y avait eu sur des questions de salaire chez nous avec des débrayages, etc., la loi Macron, ça a été la première mobilisation d'ampleur qui a été menée par la section. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé. C'est une section assez récente, quoi. Ouais, elle a 6 ans, 6-7 ans. Et qui est assez jeune, comme tu as pu le voir. Hein. Ouais. La seule mobilisation d'ampleur qui a été menée, et on s'est retrouvé, mine de rien, un peu seul avec les collègues de la FNAC, quelques enseignes du commerce, les grands magasins, pour se battre quand même pour un projet de loi qui vient donner ce qui est là aujourd'hui. On l'avait dit à l'époque, la loi Macron, demain, alors pour l'instant, ils le présentent comme un truc qui concerne que le commerce et du bon sens et les dimanches, etc. Mais vous verrez qu'en commençant par le temps de travail, même pour un secteur, ça appelle ensuite un projet global. Qui viendra encadrer tout ça. On y est, la loi El Khomri, avec les dispositions qui devaient être contenues dans la loi Macron 2, là, les questions de plafonnement des indemnités de prud'hommes, la question du référendum d'entreprise. La loi El Khomri vient sauver la loi Macron, puisque pour l'instant, ils sont bloqués partout, puisque, mine de rien, à Paris, CGT, FO et Sud, trois organisations opposées à la déréglementation du temps de travail, bloquent, ils sont assez majoritaires partout, donc bloquent tout accord sur l'ouverture. Demain, avec les référendums d'entreprise, ils vont pouvoir passer. Donc voilà, pour nous c'est une continuité, et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu un gros travail d'explication à faire auprès des collègues. Et d'ailleurs, je pense que le fait, comme tu disais, qu'il y ait des sections à la base, des petits syndicats, des organisations de jeunesse qui saisissent de ça, c'est que la loi elle est très compréhensible. Finalement, il n'y a pas besoin d'être grand juriste, il n'y a que les experts, il n'y a que les pro-lois qui t'expliquent que c'est trop compliqué, que personne ne comprend rien. Elle est limpide. Comme projet. Et ce qui a d'ailleurs été fait, même si je peux avoir des désaccords avec Caroline De Haas, etc., sur des questions politiques, mais... C'est ce qui a fait la pétition, ouais, quoi. Ouais. Ce qui a été fait... proche du Parti Socialiste. Leurs petits encarts, là, tout simple, avec la disposition de la loi, c'est très parlant. Et effectivement, c'est ce que tout le monde a pu constater. Donc, voilà, on va voir les suites. Aujourd'hui, ça va être un bon thermomètre, on va le dire comme ça. C'est bien que la jeunesse ait répondu, je pense qu'il y a de bonnes chances pour que ça prenne, on en discutait tout à l'heure, mais avec les âgés qui se sont passés, mine de rien, moi j'ai vécu le CPE aussi, ça a mis quand même du temps à démarrer, avec Rennes qui avait été tout seul quand même pendant presque un mois, et des âgés locales qui se tenaient à 15-20, là directement, dès qu'il y a un appel à âgés sur une fac, on le voit, c'est 400-500 personnes tout de suite. C'est ça, il y a une demande, les gens ils demandent d'agir, et puis si tu veux voir s'il y a une offre en face, quoi. Si tu veux, on va voir la suite après, parce que évidemment on est dans un cadre qui va plus loin que le projet El Khomri, mais ce qui impose aujourd'hui, c'est de mettre un coup d'arrêt pour pouvoir poser les suites derrière. C'est-à-dire que faire retirer un projet de loi aujourd'hui, dans une situation où on a des gouvernements les moins légitimes qu'ait connu le pays, ça peut ouvrir une situation politique où effectivement on pourra commencer à discuter, parce que le problème, on ne va pas se le cacher, il va bien au-delà d'un projet de loi, on est d'accord. Ça interroge les institutions de la 5e République, ça interroge la légitimité de ceux qui nous gouvernent, ça interroge la légitimité des syndicats. La légitimité des syndicats, ça l'interroge. C'est clair. Mais ça déjà, ça va laisser des traces, hein, objectivement. Rien que ce qui s'est passé sur le 9, et je reviens sur ce que tu disais, le fait que tu aies un appel intersyndical, mais... complètement mou. Ouais. C'est même pas complètement mou, c'est que c'est traître, objectivement. Ouais. C'est-à-dire que la CGT, la Confédération, on va le dire comme ça, et je suis de la CGT, je le rappelle, hein, notre Confédération n'a pas arrêté... avec le changement de moustache à sa tête, là, avec la soi-disant ligne radicale de Martinez, a pas arrêté, dans les faits, de se mettre à la remorque de la CFDT pour maintenir une unité intersyndicale qui repose sur rien. Donc, ils se mettent finalement à la remorque, puisque de toute manière, dans ce cadre-là, ça va sur les positions les plus à droite. Donc, c'est celle de la CFDT qui gagne en dernière mesure. Ils n'ont pas tiré les leçons de ce qui était demandé déjà quand même par des syndicats de base depuis un moment. Et je le disais en rigolant à des collègues, ce qui est assez drôle, c'est que la seule structure de notre organisation qui appelle pas aujourd'hui, c'est notre confédération. Quasiment l'ensemble des fédérations professionnelles appellent, les unions départementales quasiment appellent dans tous les départements, les unions régionales pour Paris c'était le cas, les syndicats de base, etc. Les seuls qui n'ont pas pris position pour le 9 en appelant l'ensemble des salariés à se mettre en grève, etc., c'est la conf. La confédération, tu veux dire nationale? Ouais, c'est ça. Ouais, parce que au niveau de la fédération du commerce, ils appellent à la grève. Ça a été une bonne surprise d'ailleurs, parce que c'est pas non plus les plus radicaux. On les a suffisamment pratiqués aussi. On a eu des désaccords assez larges avec eux, on va dire comme ça, et musclés. Mais Mais bon, ça va rebattre les cartes, hein. Il faut peut-être prendre la Confédération au mot. S'ils ne sont pas venus aujourd'hui, c'est qu'ils sont conscients que la base doit les rénover et qu'ils sont peut-être un petit peu dépassés. Donc ils nous ont peut-être laissé le terrain pour qu'on puisse reconstruire une forme de syndicalisme. Je pense qu'il faudra, regarder les suites. Nous, ce qui est clair, c'est qu'on va appeler directement au 31 mars pour laisser tous les collègues se disposer pour cette journée-là, pour l'occasion à appeler de manière intersyndicale pour les, par les confédérations. Il faudra s'en saisir. D'ici là, on verra ce qu'on fait sur les rendez-vous. Et je disais, c'est bien que la jeunesse soit là, parce que c'est eux qui vont pouvoir donner le rythme aussi. On sait que, mine de rien, c'est pas nous, hein. On l'avait vu avec la loi Macron, c'est pas nous, petite section, ou même avec d'autres syndicats assez importants dans une boîte, si tu veux, mais à 1000, 2000, qui pouvons obtenir le retrait d'un projet de loi. Même chose, c'est pas nous, avec un calendrier où on est obligé de sortir les collègues une fois par mois, etc., qui permettra de retirer le projet. Il va falloir que ce soit plus dense. Et on continue. Et ça, c'est la jeunesse qui vous doit l'imposer. Il faut sortir des congrégations et des du corporatisme, des groupes habitués. On a une vraie occasion, on peut l'appeler historique si on veut, on s'en fout, c'est à nous de le faire. Là, il y a un vrai manque de légitimité du politique. On sait très bien qu'ils nous sortent cette loi parce qu'ils sont à bout, là. Voilà, les gens ne votent plus, les gens ne se syndiquent plus, les gens ont envie d'un autre monde, et c'est vraiment l'occasion de commencer à le construire ensemble, c'est tout. Voilà. Ouais, merci. Au fond, près du radiateur. Ouais, je disais sur la convergence des luttes, il y a aussi plusieurs magasins à Saint-Michel, à Paris, là où vous êtes, par exemple Boulimier, où il y a les salariés sont revendicatifs aussi. Comment c'est retombé. Alors, c'est ce qu'on essaye. Ça fait longtemps qu'on tente ça. Ça va finir par se débloquer, c'est sûr, mais ça met du temps. C'est de réussir à constituer pour après un collectif ou un comité des commerces culturels qui associe à la fois les grandes surfaces culturelles comme la FNAC, qui associe des maisons d'édition, quoi, des boutiques comme l'Armatan, qui associe des boutiques façon Solder ou comme Monalizet qui existent encore, ou des trucs d'occasion plus bouquinistes comme Boulinier, parce qu'on a des enjeux communs. Boulinier, il y a eu un mouvement très important, effectivement, des salariés qui se sont réveillés d'un coup. Boulimier, il faut rappeler, c'est un magasin de livres et de disques discount. Par exemple, ils achètent tes disques, tu peux revendre tes livres et tes disques d'occasion. Ils achètent 10, 20 centimes, ouais, et ils les revendent 1 euro, 2 euros, 3 euros, je sais pas, tu vois. C'est ça. Pour situer un peu pour les gens qui connaissent pas. Quoi. Sans coup de traitement, puisque ton bouquin, tu le déposes. Alors, il faut de la reprise intégrale, mais tu déposes ton carton, ils te le pèsent, ils te refilent effectivement une poignée de centimes. Derrière, ils te collent une étiquette à la titreuse dessus à 5 balles et ils partent direct dans les bacs. Donc, ils ont pas de coup de traitement, de logistique. D'infrastructures, de bases de données, etc. Donc c'est tout bénef. Et en plus de ça, Boulinier, il faut le rappeler, viole la loi sur le temps de travail, on en parlait tout à l'heure, depuis déjà des années. Ils ouvrent le soir jusqu'à minuit. Ouais. Enfin, ils ouvraient le soir jusqu'à minuit. Aussi, c'est pas mal. Des caméras sur les employés. Ouais. Bah, la CNIL s'en est rendu compte un petit peu trop tard, mais. De toute façon, ils font rien, la CNIL. Là. Mais il faut une section syndicale pour pouvoir contacter la CNIL. Donc, l'année 2014 ou 2015, une des deux, je sais plus laquelle, ils avaient battu le record parce que le magasin avait été ouvert 264 jours sur 265. Okay. Voilà, pour te donner une idée. Donc il y a eu un mouvement de révolte des salariés, ils ont obtenu des choses qu'on pourrait considérer insuffisantes certes, ils n'ont pas réussi à faire rentrer complètement les patrons dans les clous du droit du travail. Ils se sont fait casser aussi. Mais ils ont ramené les horaires de mémoire 10h30 en semaine et une seule 10h ou 10h30 et une nocturne seulement jusqu'à 11h. Les dimanches, ils n'ont pas réussi à obtenir les fermetures, mais ils ont obtenu des majorations. Donc c'était un premier pas. Leur revendication était sur le respect du droit du travail. Hein. Mais c'était un premier pas, ils nous avaient montré qu'ils pouvaient faire céder les patrons qui étaient vus comme des thénardiers qui tenaient tout le monde en serrant la vis. C'est qui les patrons là-bas? Ils ont boulimier de trucs. Ouais, c'est la famille. Ouais, okay. Et ils sont sur place, et y compris, ubuesque quand même cette boîte. La femme boulinier qui est la soi-disant DRH du truc, s'est fait installer un accès aux vidéos à domicile et a fait du management par téléphone. C'est-à-dire qu'elle s'est bougée de chez elle. Quand elle voit un collègue, par exemple, sans gilet sur place, elle décroche son téléphone, elle appelle, elle fait « mets ton gilet ». Tu sais que moi, j'ai travaillé dans une entreprise où le patron, il avait sur son téléphone les caméras, il nous filmait comme ça. C'est pas légal, absolument pas. Et comme le disait Julien, le souci, c'est quand t'as pas un rapport de force dans la boîte, que t'as pas une section syndicale, Effectivement, oui, à titre individuel, mais comme pour l'inspection du travail, tu peux faire venir, tu peux alerter la CNIL, mais ça pèsera jamais que si tu dis au patron. Nous, en tant que section syndicale, en tant que collectif, on saisit les instances compétentes et vous aurez affaire, donc, non seulement au point de vue du droit, aux instances compétentes et, et dans la boîte. Pour Bouligné, c'est flagrant parce que les gens qui ont fait avancer les choses à Bouligné n'y sont plus parce qu'ils se sont fait casser et à force, voilà, ils se sont fait sortir à force de pression. Ils ont juste réussi à faire avancer 2-3 trucs et maintenant il n'y a plus de section syndicale véritablement. Les collègues sont démoralisés, c'est vrai, parce qu'il y a eu un contre-coup assez rapide. C'est courant, si tu veux, c'est tout le problème. C'est que on parlait d'une section jeune pour nous et Bouligné c'était encore plus que ça. C'était une question d'une section qui s'était constituée en quelques semaines avant le mouvement. Ce qui fait qu'ils n'ont pas eu le temps, ça reposait sur les épaules de trois collègues. Et avec une pression continue, avec en plus des difficultés personnelles qu'ils ont pu rencontrer parce que ça les a assez épuisés, bon, ils ont pris la décision de partir. Et ça fait redémarrer si tu veux. Et puis avec le turnover qu'il y a sur place en plus, bon, trouver une stabilité pour constituer, mais. Non, alors autre sujet, quand je disais qu'on était en train de voir pour. Ce fameux collectif des commerces culturels. Alors l'Armatan, c'est une maison d'édition. Ce sera un collectif sur le quartier ou sur Paris? Pour commencer par le quartier, parce qu'il y a une proximité géographique, mais l'idée c'est d'étendre aussi. La FNAC, il n'y en a plus dans notre quartier. On est en contact assez régulier avec les collègues de la FNAC Étoile et de la FNAC des Halles. Donc c'est à voir comment on pourrait constituer ça. Mais l'Armatan, c'est formidable. Quand je dis qu'il y a des problèmes similaires entre les enseignes, l'Armatan, c'est pareil, c'est une maison D'édition. Ouais, c'est une maison d'édition. Alors on parlait de Bouligné qui raquette en rachetant. L'Armatan fait la même chose avec les auteurs. C'est-à-dire son grand truc, c'est le tirage à compte d'auteur. Il faut qu'un auteur paye lui-même ses 1000 bouquins pour commencer à pouvoir ramasser des centimes. Ça a tendance à se payer en cash sous la table. D'accord. Et avec les pratiques sociales qui vont avec. Donc il y a deux collègues. Les auteurs africains, burkinabés et compagnie, on peut aussi leur faire des contrats un petit peu limites sans qu'ils réfléchissent trop, parce qu'il y a marqué l'Armatan. Une gestion coloniale en plus. Ouais. Non, mais ils jouent là-dessus. Ouais. Et avec les pratiques sociales, donc je te disais, qui vont avec. Deux collègues ont essayé de mettre en place une section syndicale, en tout cas déjà des instances de représentation du personnel, des DP. Elles sont arrivées, elles ont été élues déléguées du personnel. Et immédiatement, t'as une répression. En plus, c'est deux femmes, sexistes, machistes, phénomène de harcèlement. Ils leur ont mis une pression sans nom. Et aujourd'hui, elles sont à deux doigts d'une. Comment ça se passe ? Bon, les patrons qui font circuler une pétition auprès des collègues en leur demandant de signer contre les délégués du personnel qui mettent en péril la boîte, des remarques. Des quotidiennes, sexistes. C'est une boutique comme ça qui a pignon sur rue en plus, plein d'établissements. C'est la réputation des librairies de Saint-Michel, quoi. Les gens ne s'attendent pas à ce que les conditions de travail soient tout aussi merdiques que par ailleurs, quoi. Ok. Bon, alors. Un dernier mot. La lutte continue. Oui. Ok. Ouais, merci. Tant pis. Foiré. Mira boca gitano soy. A classique. Ya aquí cantando con mi corazón. Yeah. Mira boca gitano soy. Mal vu, on nous expulse. J'en place une pour mérite un Oscar. Dans le film des exclus, tous les miens méritent un Oscar. On veut plus de vos excuses, on veut plus de l'aide, mec, c'est tout con. On veut pas ta Lexus, juste ne plus être laissé pour compte. Du loin tes histoires de gamme, d'échanger ta fleur de gun. Je resterai frais jusqu'à ce que je canne. Et chanterai avec le cœur, opé aux machines, une guitare. Une instrumentale est nette, saisis pas d'un truc. Quand je rappe, il se passe un truc, demande à l'aîné. Du match, m'en parle, j'ai tout ce qu'il faut, je m'en parle. J'ai les mots insta, mais dès le départ, j'ai vu cette vie de part. Dans les mots insta, pas de douceur, personne va te parrainer. Tout seul, tu dois monter, ce sont ces pauvres. Tous les mal aimés, tous ceux du doigt montrés. Mira boca gitano soy. Y aquí cantando con mi corazón. Mira boca gitano soy. Y aquí cantando con mi corazón. Mira boca gitano soy. Con mi corazón. déclarer merde. Ils voudraient qu'on soit les mêmes, qu'on soit clones. Pas de quoi se marrer, mec. Moi je me sens mal aimé comme François Claude, une France hardcore. 6 mois pour quelques meufs, de chez Rush. Non, Marianne, une mère indigne qui mettait qu'aux certaines de ses rushs. Mais ils hypocrites, ils sont bons. Car à l'époque, les villes-ci, ils nous aiment pas. Mais ils dansent, je râlais dès l'Égypte. À la sept, somme dès l'aurore. J'envoie ce défoncé au Rhum. Je suis à deux doigts de péter les plombs quand je vois ce que cette France fait au Rhum. Et tu te sens loin de cette nation. Car gros, tu sais que l'intégration, c'est la plus grande carotte du siècle. Cette année, je vais tout plier. Plus le temps de roupiller, je pense. Chaque jour à vous, c'est pour les oubliés de France. Qui vient de naître, je dois dire pour être honnête que ce n'est pas en travaillant qu'on trouve le bonheur sur terre. J'en veux l'exemple que mon père, qui vit le jour de son enterrement, qu'il était le plus riche du cimetière. Sois feignant, tu vivras content. Sois feignant, tu vivras longtemps. Plutôt que d'apprendre à l'école, belles et collectionne les véroles, la médecine fait quelques progrès. On dit qu'à gagner du bagage, tu n'aboutirais qu'au chômage, où déjà se sont entassés ceux qu'on cru en la société. Sois feignant, tu vivras content. Sois feignant, tu vivras longtemps. Moins tu en fais, plus tu l'espères, plus ta santé déjà précaire te libère de ses tourments. Gagner ta vie ne vaut pas le coup, attendu que tu l'as déjà. Le boulot, y'en a pas beaucoup. Faut le laisser à ceux qui aiment ça. Sois feignant, tu vivras content. Sois feignant, tu vivras longtemps. Si jamais tu voles un copain, tu en auras moins de chagrin que si tu n'as pas à manger. Et si t'as la main sur le cœur, n'hésite pas à la couper, tu entendras moins les moqueurs. Si c'est toi qui les as roulés, sois feignant, tu vivras content. Sois feignant, tu vivras longtemps. Si jamais tu voles un couillon qui t'envoie tout droit en zonzon, dis-toi qu'il est plus mal logé. Car pour te payer ta pitance, tandis que tu feras pénitence, lui qui est si fier de t'enfermer, faudra encore qu'il aille bosser. Sois feignant, tu vivras content. Sois feignant, tu vivras longtemps. Sois feignant. Thank you. Voilà. On n'est pas à l'usine. Ouais. Mais qui veut peu. M'a fait le doigt. Une entorse. Je peux pas et je le mets dans les poches. Mon gueule. c'était mon héritage. Comme tu vois, j'ai fait mes bagages. Je te laisse avec ta maman. Tu paieras rien, j'y prends le gros lot. Et tant pis pour toi si je triche. Tu seras peut-être un enfant de salaud. Tu seras pas un gosse de riche, sois feignant, sois feignant. Tu vivras content, sois feignant, mon enfant.